إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah donc aujourd'hui on va continuer notre dars et on est arrivé au cours numéro 16 dans la série des cours de Cheikh Saleh Al-Fawzan. On explique Al-Mulakhas Al-Fiqhi et puis donc aujourd'hui on est arrivé au point où on va expliquer Bayanu fi babun fi bayani ma yukrahu fi salah, c'est-à-dire le chapitre qui parle de ce qui est détestable durant la salah, d'accord. Et il y a plusieurs points dont on va parler aujourd'hui. Et puis on va commencer tout de suite, inshallah. Le Cheikh il dit: Yukrahu fi salat al-iltifatu bi wajhihi wa sadrihi li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salat al-'abd, rawahu al-Bukhari. C'est-à-dire que le Cheikh il dit que parmi les choses qui sont détestables dans la prière, c'est de se tourner avec son visage ou bien avec notre poitrine, c'est-à-dire de se tourner vers une autre direction que la Qibla durant la prière. Et le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari selon Aisha radiyallahu anha, et le hadith il dit que c'est une chose que le shaitan il vole de la prière d'une personne lorsqu'elle prie. Donc lorsque quelqu'un est en train de faire la salat et qu'il se tourne vers une autre direction, eh bien, c'est quelque chose comme si le shaitan il lui vole des récompenses de sa prière. Ensuite, le cheikh il dit: إلا أن يكون ذلك لحاجة فلا بأس به كما في حالة الخوف أو كان لغرض صحيح. Donc, il dit que, excepté si c'est fait pour un besoin quelconque ou quelque chose de nécessaire, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, lorsque quelqu'un a une crainte ou une peur, ou bien lorsque quelqu'un par exemple a un besoin ou une nécessité quelconque, dans ce cas-là ça peut être permis si c'est vraiment nécessaire. Et le cheikh dit: فإن استدار بجميع بدنه أو استدبر الكعبة من غير حالة الخوف أو في غير حالة الخوف بطلت صلاته لتركه الاستقبال بلا عذر. Le cheikh dit: mais s'il a tourné son corps complètement, ou bien s'il s'est mis à dos la Kaaba, donc si c'est pas dans un cas de crainte ou de peur, dans ce cas-là sa prière est nulle, sa prière devient nulle parce qu'il a abandonné la direction de la Qibla et s'est tourné sans excuse. Dans ce cas-là ça devient une chose qui annule la validité de la prière de quelqu'un. Ensuite le Cheikh il dit: فتبين بهذا أن الالتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به لأن ذلك من ضروريات القتال وإن كان في غير حالة الخوف فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن فإن كان لحاجة فلا بأس وإن كان لغير حاجة فهو مكروه إن كان بجميع البدن بطلت وإن كان بجميع البدن بطلت صلاته. Donc le cheikh il spécifie et il clarifie maintenant, il dit, donc on peut comprendre d'après ça que de se tourner durant la prière pour autre que de se tourner durant la prière pour une raison de crainte, quand on a peur de quelque chose, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça fait partie des nécessités du combat. Hein, et c'est parfois nécessaire que lorsqu'on est dans le combat, lorsqu'il y a le djihad, que les croyants, lorsqu'ils font la prière, ils sont obligés de se tourner pour une raison quelconque. D'accord? Donc, le cheikh il dit, si c'est pour une raison de crainte ou de peur, il dit, c'est, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Toutefois, si c'est pas pour une raison de peur, si c'est pour autre raison, dans ce cas-là, le cheikh il dit, si c'est le fait qu'on se tourne avec notre visage, ou bien notre poitrine, seulement le haut du corps, comme ça, on se tourne d'une autre, dans une autre direction, sans le reste du corps, c'est-à-dire on tourne seulement le haut et le, ou le visage seulement, pas le reste. Dans ce cas-là, si tu le fais pour une raison valable, c'est correct. Toutefois, si tu le fais sans raison, alors c'est makruh. Toutefois, si tu tournes ton corps au complet dans une autre direction, ta salat est nulle. D'accord? Donc j'espère que c'est clair, inshallah. Ensuite, le cheikh il dit « ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء فقد أنكره أو فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري. Ça, c'est un hadith qui est rapporté selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le hadith, le cheikh, il dit que parmi les choses détestables dans la prière, c'est de lever ses yeux vers le ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a critiqué les gens qui levaient leurs yeux vers le ciel. Et il a dit, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui lèvent leurs yeux vers le ciel? C'est-à-dire, ils critiquent les gens qui font ça. Il dit, pourquoi certains d'entre vous lèvent leurs yeux vers le ciel? Et il a dit, d'une façon très dure, au sujet des gens qui faisaient ça, si vous n'arrêtez pas ou si vous ne cessez pas de faire ça, votre vue va vous être arrachée. En voulant dire, vous allez perdre votre vue à force de faire ça. Et c'est comme une menace que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait, et c'est rapporté par Al-Bukhari selon Anas, comme j'ai dit. Donc ça veut dire qu'il faut éviter de regarder dans le ciel durant notre salat, parce qu'il y a des gens, j'ai remarqué parfois, qu'est-ce qu'ils font, ils prient, et quand ils se lèvent de recours, au lieu de juste se mettre droit normalement, ils se lèvent et ils lèvent leur tête comme ça vers le haut, comme si pour regarder vers le ciel. Et ça, c'est contraire à la sunna, car Yanni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a averti les gens de ne pas regarder vers le ciel. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرُ الْمُصَلِّ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَرِّحَ بَصَرَهُ فِيمَا أَمَامَهُ مِنَ الْجُدْرَانِ وَالنُّقُوشِ وَالْكِتَابَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لأن ذلك يشغله عن الصلاة أو عن صلاته. Donc il dit qu'on a déjà expliqué que la personne qui prie, lorsqu'elle prie, elle doit regarder à l'endroit où elle se prosterne. Elle ne doit pas commencer à tourner ses yeux, à regarder en avant de lui sur le mur ou sur les décorations et sur les écritures. Hein. Parfois il y a des calligraphies sur les murs et tout ça. Donc il dit qu'il faut éviter de regarder à ces choses-là lorsqu'on prie. Et il dit que donc il faut regarder à l'endroit où on pose notre visage comme prosternation, pour la prosternation. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit également que le fait de regarder autre chose durant la prière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que on est déconcentré durant notre prière, on est préoccupé par autre chose. Donc il faut éviter ces choses-là. Ensuite, le cheikh, il dit « وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاتِ » تغمض عينيه لغير حاجة لأن ذلك من فعل اليهود. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui sont détestables également durant la prière, c'est de fermer nos yeux sans raison. Hein? Fermer les yeux dans la prière, c'est quelque chose qui est contraire à la sunna, et le cheikh il dit que ça fait partie des actions des juifs. Hein? Ça fait partie des actions des juifs. Et وإن كان التغميض لحاجة كأن يكون أمامه ما يهوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق فلا يكره إغماض عينيه عنه. وهذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. Donc le cheikh ici, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que si tu fermes tes yeux dans la prière à cause d'une raison valable, comme par exemple que s'il y a devant toi quelque chose qui te distrait dans ta prière, par exemple tu vois qu'il y a des décorations, ou bien parfois il y a des tapis, certains tapis avec toutes sortes de dessins dessus là, des dessins de la Kaaba ou des dessins de la mosquée ou des belles décorations et tout ça, ça peut distraire quelqu'un durant sa prière. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est détestable. Et également dans certaines mosquées, il y a tellement de décorations sur les murs que certaines personnes peuvent être préoccupées à regarder et à admirer ces décorations-là plutôt que de se concentrer dans sa prière. Donc le cheikh il explique que si tu fermes tes yeux dans ta prière à cause de ça, dans le but d'augmenter ta concentration, alors il dit que ça c'est correct et c'est pas détestable de les fermer dans ce cas-là. Et ça c'est rapporté par l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné ça dans son livre Zadul Ma'ad. D'accord. Ensuite il dit le cheikh, wa yukrahu fi as-salat iqa'uhu fil julus wa huwa an yafrisha قدميه ويجلس عليه أو على عقبيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب رواه ابن ماجه وما جاء بمعناه من الأحاديث. D'accord. Donc là ici le cheikh il dit que lorsque parmi les choses détestables dans la prière c'est de s'asseoir sur nos talons, comme quelqu'un qui place ses pieds, le dos de ses pieds sur le sol quand il est assis, et il met son derrière sur ses talons, hein. Et donc il mentionne un hadith qui est rapporté selon Ibn Majah, ok, selon Anas par Ibn Majah qui dit lorsque l'un d'entre vous relève sa tête du sujoud, de la prosternation, qu'il ne s'assoit pas comme le chien. Et ça c'est rapporté par Ibn Majah. Toutefois on a fait une recherche au sujet de ce hadith dans Sahih, dans le livre de Sunan Ibn Majah, et Cheikh Al-Albani hafizahullah il a mentionné que le hadith est daif. Il est daif. Et dans Silsilat al-Hadith al-Sahih al-Da'ifa, pardon, Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, vous pouvez le trouver, il est maudou', c'est-à-dire il est fabriqué, il n'est même pas daif, il est fabriqué, c'est-à-dire c'est un hadith maudou'. Et vous pouvez retourner au numéro 2614 dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, et il est également dans Da'if Sunan Ibn Majah, si vous retournez. Dans Ibn Majah, c'est le hadith numéro 796, si vous voulez vérifier. Vérifier cette information, ça c'est un hadith maudou'. D'accord. Donc ensuite le cheikh il dit wa yukrahu fi as-salat an yastanad ila jidar wa nahwi hal al-qiyam wa nahwihi hal al-qiyam illa min hajatin li'annahu yuzilu mashaqqata al-qiyam fi fa in fa'alahu li hajatin ka maradin wa nahwihi fala ba's. Le cheikh il dit que parmi les choses qui sont détestables dans la salat, c'est de s'accoter sur un mur. De s'accoter sur un mur lorsqu'on est debout. Excepté si on a une excuse, il y a une raison valable. Comme par exemple, parce qu'on trouve une difficulté dans le fait de rester debout ou quelque chose comme ça, à cause d'une maladie ou quelque chose comme ça. Donc dans ce cas-là, ça, c'est correct de le faire. Toutefois, s'il n'y a pas de raison valable pour le faire, eh ben, il n'y a pas d'excuse pour le faire, et donc c'est détestable. C'est quelque chose qui est makruh. Ensuite, le cheikh, il continue à expliquer, il dit, وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ اِفْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ حَالَ السُّجُودِ بِأَنْ يَمُدَّهُمَا عَلَى الْأَرْضِ مَعَ إِلْسَاقِهِمَا بِهَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui sont détestables durant la salat, c'est d'étendre nos bras lorsqu'on est prosterné, d'étendre nos avant-bras sur le sol lorsqu'on est prosterné, et le cheikh il dit de les étendre sur le sol ou de les coller sur le sol durant le sujoud, c'est détestable à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque vous faites le sujoud, n'étendez pas vos bras comme un chien étend ses bras sur le sol lorsqu'il est assis par terre. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est donc un hadith authentique rapporté selon Anas ibn Malik. Et il dit le cheikh wa fi hadith un akhar i'tadilu fi sujoud, mettez-vous droit dans le sujoud, et wala yaftarishu ahadukum dhira'ayhi iftirashul kalb. C'est-à-dire n'étendez pas vos bras sur le sol comme le chien le fait, c'est-à-dire il ne faut pas étendre nos avant-bras sur le sol lorsqu'on se prosterne, et ça, parfois beaucoup de gens font cette erreur-là, ils mettent leurs avant-bras sur le sol. Donc il dit par la suite, وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ الْعَبَثِ وَهُوَ اللَّعِبِ وعمل ما فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك ومنه مسح الأرض من غير حاجة. C'est-à-dire parmi les choses qui sont détestables durant la salat, c'est de faire des choses inutiles, des mouvements inutiles, ou de jouer durant la prière, comme par exemple quelqu'un qui joue avec ses doigts ou avec ses mains ou avec ses pieds, ou qui joue avec sa barbe ou avec son vêtement, et qui s'amuse à toujours le bouger ou des choses de ce genre, ou bien qui s'amuse à frotter la terre ou à faire des dessins sur le sol ou des choses comme ça durant la salat, ça c'est quelque chose qui est détestable parce que ça déconcentre de la prière. Et ça dérange les gens aussi qui sont à côté de toi, qui prient avec toi. Ensuite le cheikh il mentionne et il dit وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ التَّخَصُّرُ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ على الخاصرة وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين ونهينا عن التشبه بهم وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا أو مختصرا. Donc le chef il mentionne le fait que il n'est pas permis pour quelqu'un de prier en mettant ses mains sur ses hanches. Et il dit que de faire ça, ça fait partie des actions des gens qui sont parmi les koufars et les gens fiers. Et on a été interdit de ressembler à ces gens-là. Donc, et également c'est mentionné dans un hadith qui est muttafaq alayhi, rapporté selon Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier en mettant nos mains sur nos hanches. Ça c'est rapporté authentiquement. Ensuite le cheikh dit وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَرْقَعَتُ أَصَابِعِهِ وَتَشْبِيكِهَا. Parmi les choses qui sont également détestables durant la salat, c'est de faire craquer nos doigts durant la prière, et également de les entrecroiser, d'accord? Donc d'entrecroiser nos doigts et de les faire craquer, comme certaines personnes font ça parfois, c'est quelque chose qui est détestable durant la salat. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير فيه تصاوير لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح. Donc le cheikh il mentionne qu'il est détestable également de prier dans un endroit où il y a des images, pourquoi? Parce qu'il y a dans ça le fait de ressembler aux adorateurs d'idoles. Peu importe que ces images soient accrochées ou qu'elles ne soient pas accrochées sur un mur, c'est détestable. Et il y a un point également que je dois mentionner, c'est pas mentionné ici, le cheikh il l'a pas mentionné, il l'a peut-être mentionné de façon générale, mais sans le spécifier. Toutefois aujourd'hui c'est devenu un grand problème dans les mosquées, et puis c'est la question des téléphones cellulaires ou bien des téléphones portables. les musulmans, Allah musta'an, on a tous en général un cellulaire ou un téléphone portable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que des musulmans rentrent dans la mosquée avec leur téléphone cellulaire ou leur téléphone portable et ils ne le ferment pas. Ils laissent la sonnerie allumée et parfois ils le mettent sur vibration également. Et qu'est-ce qui arrive à cause de ça? Il arrive beaucoup de problèmes durant la prière, des déconcentrations de l'imam, déconcentrations des gens qui prient dans la mosquée, hein, parce que la sonnerie, elle peut partir en plein milieu de la salat. Et puis les gens sont pas capables de l'éteindre tout de suite parfois. Alors là, on entend de la musique parfois même dans ces téléphones. On entend toutes sortes de chansons et de musique. Et parfois c'est des bruits ou toutes sortes de choses qui dérangent et qui déconcentrent. Hein? Donc ça c'est quelque chose vraiment détestable. Et ça c'est quelque chose vraiment qui déconcentre totalement les gens de leur salat. Hein? Et donc il faut absolument que lorsque les gens rentrent dans la mosquée avec leur téléphone, il faut qu'ils les ferment, il faut qu'ils les ferment complètement et non pas les mettre sur vibration, parce que des fois ils les mettent sur vibration et ça commence à vibrer dans la poche de quelqu'un alors qu'il est dans sa prière, et le fait qu'il est conscient que quelqu'un est en train de l'appeler, juste à essayer de s'imaginer qui est-ce qui peut l'appeler dans sa tête, commence à penser mais qui est-ce que ça peut être, hein? Et là, juste à penser à ça, ça t'a déjà déconcentré dans ta salat. Donc, de dire par exemple, je vais seulement le mettre sur vibration, c'est pas suffisant. Il y en a qui le mettent juste à un bip aussi, ça fait juste un petit bip, hein? Et un petit son là, donc ils s'imaginent, bon, ça y est, bip, comme ça, ça dérange pas trop. Sauf que, pendant qu'ils entendent le bip, ils sont en train de penser, mais qui est-ce qui m'appelle? Qui est-ce que ça peut être? Alors, jusqu'à la fin de sa prière, il continue à se demander à lui-même, mais je veux savoir c'est qui, j'ai hâte de savoir qui est-ce qui m'a appelé. Hein? Surtout s'il attend un appel important, alors là c'est encore pire. Alors c'est pour cette raison-là qu'il faut l'éteindre complètement. Hein? Et puis, parfois même, il y en a qui le laissent pas, qui le ferment pas, ils ferment seulement la sonnerie, mais il y a une lumière qui s'allume. Et donc là, ils mettent leur téléphone cellulaire devant eux. Et là, lorsqu'ils sont en train de prier, la lumière s'allume. Alors, même s'ils n'ont pas entendu la sonnerie, ils voient la lumière, tout de suite leur esprit est parti là. C'est-à-dire la prière est déconcentrée complètement de la prière, encore une fois. C'est pour ça qu'il faut complètement éviter de... soit le laisser dans la voiture, si vous êtes en voiture, vous venez en voiture à la mosquée, laissez le cellulaire dans la voiture. Hein? Sinon, vous habitez pas loin de la mosquée, vous allez pour la salat, laissez votre cellulaire à la maison, laissez votre téléphone à la maison, quand vous revenez, vous allez prendre vos appels. Hein? Et si vous avez une boîte vocale, vous allez prendre les messages. Donc, il n'y a pas de problème, inshallah. Et la prière, ça ne dure pas longtemps, donc essayez de profiter de ce moment-là pour vous concentrer dans la salat. Donc, c'est très grave. Hein? Et il y en a qui mettent le adhan. Il y en a qui mettent la adhan comme sonnerie dans leur cellulaire. Il y en a d'autres qui mettent le Coran. Et puis, j'ai entendu la parole de Cheikh Al-Fawzan dans une fatwa qu'il a donnée. Il a dit ça, c'est pas permis de mettre le cellulaire, de mettre comme sonnerie dans le cellulaire le Coran ou bien de mettre le adhan. Il dit le adhan, c'est pas une sonnerie pour les cellulaires et c'est pas une sonnerie pour les téléphones ni le Coran. Le Coran, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu mets une sonnerie n'importe quelle, même si c'est, tu veux pas mettre de la musique, mais mets pas le Coran non plus, hein. Et donc, ça c'est un rappel pour les frères et pour les sœurs également, et puis pour leur faire comprendre qu'il faut faire attention à ça et pas déranger les frères. Imaginez le péché de la personne, comment elle accumule des péchés pour avoir déconcentré, non pas s'être déconcentré elle-même seulement, mais avoir déconcentré tout le monde qui prie avec la personne dans la mosquée. Hein? Tout le monde, être la cause de la déconcentration de tous ces gens-là, ça c'est grave. Hein? Donc il faut prendre ça en considération, et c'est très important, inshallah. Ensuite, le cheikh dit, wa yukrahu an yadkhala fil masjid aw fis salah, wa yukrahu an yadkhala fis salati wa huwa muhawwish al-fikr. بسبب وجوب شيء يضايقه كاحتباس بول أو غائط أو ريح أو حالة برد أو حر شديدين أو جوع أو عطش مفرطين لأن ذلك يمنع الخشوع. Donc le cheikh ici il explique et il dit que c'est détestable également de commencer la prière alors que tu es déconcentré, ton esprit est déconcentré à cause de quelque chose qui te limite ou bien qui te presse, Yannick, comme par exemple le fait que quelqu'un par exemple a envie d'uriner, ou bien il a envie d'aller aux toilettes, ou bien il a des gaz, hein, ou bien il trouve qu'il fait très très très froid ou bien très très chaud. Dans ce cas-là, Yannick, il veut pas se concentrer bien dans sa prière. Donc lorsque quelqu'un trouve qu'il a un gaz ou qu'il a envie d'uriner ou qu'il a envie d'aller aux toilettes, eh bien c'est mieux qu'il aille faire ses besoins, qu'il aille faire qu'est-ce qu'il a à faire et qu'il revient faire sa prière par la suite. Et même s'il manque la prière, bon, il va pas prier déconcentré. Et yani, le fait qu'il ait l'intention déjà de faire la prière en jama'a, mais qu'il a été retardé du fait qu'il s'est préparé pour faire sa prière, eh bien ça déjà, yani, c'est comme si, inshallah, avec l'intention qu'il avait, il aura quand même, espérons, la même récompense. Parce que de prier avec l'envie d'uriner ou bien envie d'aller aux toilettes, yani, ça détruit la concentration, yani, ça détruit complètement la concentration que quelqu'un peut avoir dans sa prière. Également, quand quelqu'un a des gaz, trop de gaz dans son ventre et ça l'empêche de se concentrer, c'est impossible de faire sa prière comme il faut. De même, si quelqu'un a une faim ou une soif, disons un peu assez sérieuse, yani, quand quelqu'un a vraiment vraiment faim là ou vraiment soif à un point où il n'est plus capable de se concentrer, et bien dans ce cas-là, c'est mieux qu'il aille manger, qu'il aille boire un peu, et puis qu'il fasse sa prière par la suite. Et le cheikh, il mentionne par la suite, il dit « Wa yukrahu dukhuluhu fi s-salat ba'da hudur ta'amin yashtahihi » li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam « La salata bihadari ta'amin wa la huwa yudafi'uhu l'akhbathan » rawahu muslim. Donc le cheikh il dit que c'est détestable également de rentrer dans la salat alors que la nourriture est déjà préparée, déjà prête, hein, est déjà déposée, hein, et que tu as envie de le manger. Dans ce cas-là, tu manges, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière lorsque la nourriture est servie et lorsque la personne est en train de retenir les deux choses disons détestables, les deux choses mauvaises, c'est-à-dire l'urine et le fait de vouloir aller aux toilettes. Donc ça, quand tu as ça, tu vas te soulager et puis tu reviens, hein. C'est rapporté selon Muslim, c'est rapporté par Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. D'accord, donc c'est important de prendre ça en considération, de pas prier alors que tu es en train de te retenir. Parce que si tu fais ça, yani, c'est comme on dit, ça diminue complètement ta concentration dans la prière. Et c'est quelque chose de détestable, comme le cheikh dit. Et il dit, « Wa dhalika kulluhu ri'ayatan li haqqi Allah ta'ala, li yadkhul al-'abd fi al-'ibadati bi qalbin hadirin muqbilin 'ala rabbih. » Il dit que ça, c'est pour, disons, prendre en considération le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour que le serviteur, il rentre dans l'adoration avec un cœur présent et qui est dirigé vers son Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne va pas être déconcentré par d'autres choses. Quelqu'un qui prie, qui est en train de se retenir ou qui a faim ou des choses comme ça, il pense à manger, il pense à la nourriture ou bien il pense à aller aux toilettes. Comment il va être capable de vraiment prier comme il faut à son Créateur, yani, hein? Donc le cheikh dit « وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّ أَنْ يَخُصَّ جَبْهَتَهُ » بما يسجد عليه لأن ذلك من شعار الرافضة ففي ذلك الفعل تشبه بهم. Donc le cheikh il dit également que c'est détestable pour une personne lorsqu'elle prie de spécifier quelque chose pour se prosterner dessus, hein? Il dit que si tu fais ça fait partie des choses qui sont spécifiques aux rafidah parmi les rafidah, les shi'ah rafidah, c'est eux qui font ça, yani, qui placent quelque chose sur le sol à l'endroit où ils se prosternent, comme on les voit souvent mettre un morceau de terre ou une pierre de la terre de Karbala, hein, et ils mettent ça par terre pour se prosterner dessus, hein, ou bien ils mettent un tissu carré, hein, là, à l'endroit où ils se prosternent, Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui est bid'ah, et ça ne fait pas partie de l'islam. Et donc, le cheikh dit, celui qui fait ça, il les a imités. Et donc, ça, c'est pas permis. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est détestable de faire ça. Et en fait, si tu les vois quand ils font ça, c'est déjà arrivé que j'en ai demandé à l'un d'entre eux pourquoi il prie là-dessus. Puis là, il me disait, parce qu'on n'a pas le droit de prier sur quelque chose qu'on peut manger ou qu'on peut porter. Et là, ça fait partie de leur fiqh complètement dépourvu de dalil. Et donc, c'est des gens comme ça, ils contredisent toujours les musulmans. Donc, le cheikh, il dit par la suite, وَكَذَا يُكْرَهُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ حُدُورِ طَعَامٍ يَشْتَهِي. Ça, on l'a lu. Après, il dit, وَيُكْرَهُ يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ مَسْحُ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ مِمَّا عَلِقَ بِهِمَا مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَلَا بَأْسَ بِمَسْحِ ذَلِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ. Donc, le cheikh, il mentionne ici, il dit, il est détestable également, dans la salat, d'essuyer notre front ou notre nez de qu'est-ce qui s'est accroché, du fait qu'on s'est prosterné par terre. Donc, il dit que on peut l'essuyer par la suite quand on a terminé de prier, mais c'est détestable de le faire durant la prière. Toutefois, le cheikh, il a mentionné ça, mais il n'a pas mentionné de dalil à ça. Et donc, c'est dommage. J'aurais voulu bien savoir si c'était basé sur quelque chose de solide. Et également, l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, au sujet de craquer les doigts et de les entrecroiser. Le cheikh, ici, il n'a pas mentionné de dalil. Et je vérifie ici que dans Irwa al-Khalil, le hadith qui est mentionné, là, تُقَعْقِعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ بْنُ مَاجَ لِلِضَعِيف جِدًا. Et l'autre hadith ici qui est mentionné, qui dit رَأَ رَجُلًا يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي. Il est mentionné ici dans, également par Ibn Majah et al-Tirmidhi, il est da'if aussi. Toutefois, il mentionne ici un autre, il dit, « قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَّذِي يُصَلِّ وَهُوَ مُشَبِّكٌ قَالَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. » Celui-là, il est sahih. C'est un hadith que Ibn Umar, رضي الله عنه, il était dans la salat. Il a dit à propos de celui qui prie et qui est en train d'entrecroiser ses doigts, il a dit ça, c'est la prière des Mardoub alayhim, c'est-à-dire les juifs. Et celui-là, il est sahih, mais cette fois, c'est une athab d'Ibn Omar. Na'am. Donc, Allahu A'lam, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne pour la question de, par exemple, qu'est-ce que j'ai mentionné, lorsque tu te prosternes et qu'il reste des traces de la terre, par exemple, des fois il y a des grains de pierre ou des grains de sable qui collent sur le front, sur le nez et tout, et la question de ne pas les essuyer, ça c'est sahih, c'est mentionné dans un hadith. C'est mentionné dans un hadith, et si vous voulez retourner au hadith, vous allez le trouver dans Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 382. Naam. Donc, alhamdulillah, il semblerait que il est là, puis également dans le numéro 89, dans Irwa al-Ghalil. Donc, il y a quelque chose mentionné là-dessus dans le hadith. D'accord. Alhamdulillah. Donc, après, il dit, وَيُكْرَهُ ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته وكف ثوبه وتنظيف أنفه ونحو ذلك لأن ذلك يشغله عن الصلاة. Comme on a mentionné déjà tout à l'heure, mais là il le remercie encore une fois. Il dit que, par exemple, le fait de jouer avec de jouer avec notre bar ou bien avec notre thobe, notre vêtement, ou bien de se nettoyer le nez durant la prière, etc. Il dit tout ça, c'est des choses qui sont détestables car ça te dérange, hein, ça te déconcentre dans ta prière. Et il y a un hadith mentionné là-dessus également qui est muttafaq alayhi, hein, qui est authentique. Et il est mentionné dans Al-Bukhari Muslim. Et donc, alhamdulillah, ça c'est correct. Ensuite, le cheikh dit wal matloubu min al-muslim an yatawajjah ila salatihi bi kulliyatihi. لا يتشاغل عنها بما ليس منها يقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Il dit que qu'est-ce qui est demandé du musulman, c'est qu'il se dirige dans sa prière en entier, hein, avec tout son être, et qu'il ne se laisse pas déconcentrer par qu'est-ce qui ne fait pas partie de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, hein, garder les prières et la prière de Al-Busta, hein, c'est-à-dire Al-Asr, Salat Al-Asr, et tenez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala en soumission et en obéissance. Ensuite, il dit فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع والإتيان بما يشرع لهما وترك ما ينافيهما وينقصهما من الأقوال والأفعال لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها لتكون صلاة في صورتها وحقيقتها لا في صورتها فقط وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui est demandé également, c'est que le musulman établisse sa salat avec la présence de son cœur et avec la concentration, et qu'il amène ou qu'il fasse sa prière, il fasse sa prière avec ces deux choses, c'est-à-dire avec la concentration et avec la présence de cœur, et qu'il abandonne ou qu'il laisse tomber tout ce qui s'oppose à ces choses-là, et qu'il laisse tomber tout ce qui pourrait diminuer de sa récompense ou de sa valeur parmi les paroles et les actions, pour que la prière soit valable et correcte, hein, et que la personne qui l'a accomplie, elle soit acceptée de lui comme il faut, et pour que ce soit pas une prière seulement en apparence, mais que ce soit une prière en apparence et en réalité également, pour que ce soit une vraie prière dans les actions et dans les paroles et dans le cœur également. Et le cheikh il dit que Allah nous donne le succès à tous pour tout ce qui est bon et tout ce qui nous amène le bonheur dans cette vie et dans l'autre vie. Ensuite il commence à expliquer un autre chapitre dans ce sujet. Il dit باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. Donc il dit maintenant un chapitre en ce qui concerne ce qui est permis et ce qui est recommandé de faire durant la salat. D'accord? Donc il dit يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين. رواه مسلم. الشيخ الشيخ الفوزان il dit que lorsqu'une personne passe devant toi lorsque tu pries, tu dois le repousser, hein, tu ne dois pas le laisser passer. S'il passe directement devant toi, proche de toi, alors dans ce cas-là, tu le repousses. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous est en train de faire la salat, qu'il ne laisse personne passer devant lui. Et si la personne refuse, c'est-à-dire continue à vouloir insister à passer devant toi, alors tu dois te battre avec la personne, tu as le droit de repousser la personne, parce qu'il y a un qarin avec cette personne, c'est-à-dire un qarin, c'est-à-dire un shaytan, avec cette personne. Donc, ok, on a expliqué ça. Maintenant, le cheikh, il dit, oui, ça c'est un hadith rapporté par Muslim, l'imam Muslim, donc c'est sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri. Ensuite, le cheikh dit, ولكن إذا كان إمام المصلي إذا كان أمام المصلي سترة أي شيء مرتفع من جدار أو نحوه فلا بأس أن يمر من ورائها. Le cheikh dit, toutefois, si devant la personne il y a une sutra, c'est-à-dire quelque chose de surélevé, comme un mur ou bien quelque chose de ce genre qui est devant la personne qui prie, alors il n'y a pas de problème de passer derrière la sutra. Ok. وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان. Donc si la personne a besoin de passer à cause de l'endroit, à cause que l'endroit est étroit, il n'y a pas beaucoup d'espace, il dit فيمر ولا يرده المصلي. Il dit, et il passe et il ne le repousse pas. C'est-à-dire, la personne qui prie, elle ne doit pas le repousser dans ce cas-là. كَذَا إِذَا كَانَ يُصَلِّ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَمْنَعُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة أو سترة رواه الخمسة. D'accord. نعم. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le cheikh maintenant? Il dit quelque chose et il semblerait que dans cette position, que ce ne soit pas une position qui est exacte. Wallahu a'lam. On va vérifier, on va clarifier cette question-là, inshallah. Le cheikh, il dit quoi? Il dit, si une personne donc passe devant toi et parce que le passage est étroit, il n'y a pas d'autres endroits pour passer, il dit qu'il peut passer et la personne ne doit pas le repousser. Et il dit également, si quelqu'un prie dans le haram à Mecca, ou bien à Medina, ben, en particulier à Mecca, il dit, dans ce cas-là, il ne faut pas l'empêcher de passer devant nous. Il dit, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Mecca et que les gens passaient devant lui, et qu'il n'avait pas de sutra. Et il dit que ça c'est rapporté par Al-Khamsa. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Dawud, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Et donc, il est rapporté selon Al-Muttalib ibn Abi Wuda'a. Et j'ai vérifié le hadith dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa. Et le hadith est da'if. Le hadith est da'if. Si vous voulez retourner à ce hadith, vous pouvez vérifier, c'est le hadith 928 dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, et Cheikh al-Albani, il a même commenté sur ce hadith-là, il a mentionné trois raisons du fait que le danger d'appliquer ce hadith, il montre que le hadith est da'if, et il montre également que beaucoup de gens, justement, il mentionne ce hadith, et il a même mentionné une anecdote qui lui est arrivée à lui en personne. Lorsqu'il est allé faire le hajj pour la première fois, il dit qu'il repoussait les gens, et puis qu'à un certain moment donné, il y a un homme qui est venu, qui s'est fâché de voir que Cheikh al-Albani repoussait les gens qui passaient devant lui. Alors il s'est assis et il a attendu que le cheikh termine sa salat. Alors après qu'il a terminé de faire sa salat, il s'est assis et il est allé le voir et lui a dit, tu sais que dans le haram, c'est pas interdit de passer devant quelqu'un qui prie, parce qu'il y a un hadith là-dessus. Et Cheikh al-Albani, donc il a eu une discussion avec cette personne et il lui a mentionné les hadiths qui prouvaient que c'est interdit de passer devant quelqu'un, et il a mentionné ces hadiths-là. Par exemple, le hadith qui dit que, par exemple, lorsque quelqu'un est en train de prier, c'est mieux d'attendre 40 que de passer devant cette personne. D'accord? Donc, Le cheikh a mentionné beaucoup de preuves et tout, et ensuite qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit bon, on va retourner aux ulama pour demander leur position, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce sujet-là. Et il dit donc on est retourné à certains parmi les chouyouf et tout, et certains d'entre eux disaient oui et certains d'entre eux disaient non, hein, et ils se basaient sur qui disaient oui, ils se basaient sur ce hadith, sur le hadith qu'on a mentionné, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il était à Mecca et les gens passaient devant lui et qu'il n'y avait pas de soutra, etc. Et donc le cheikh al-Albani a dit, est-ce que vous êtes capable de me confirmer l'authenticité de ce hadith? Et il n'était pas capable de le confirmer. Alors donc le cheikh il dit, c'est pour cette raison-là que j'ai fait le tahrij de ce hadith et qu'il l'a placé dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, et il est donc le numéro 928 dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, et il a mentionné les raisons pourquoi le hadith al-Da'if, et il a donc expliqué ça clairement. Donc vous pouvez retourner à cette question. Et en général, pour la question de ce qui concerne la sutra, Cheikh Al-Fawzan, il prend la position du madhab qui dit qu'il n'est pas obligatoire de prendre une sutra. Il dit qu'il n'est pas obligatoire de prendre une sutra en se basant sur certains hadiths. Toutefois, ces hadiths, la plupart sont da'if. D'accord? Donc c'est pour cette raison-là que Yani, étant donné qu'il n'a probablement pas été au courant de la faiblesse du hadith, il a pris cette position. Wallahu a'lam. Donc, retournez au livre Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sifat Salat al-Nabi du Cheikh al-Albani, pour vérifier la position et les preuves qui sont mentionnées au sujet de l'obligation et le fait de devoir prendre une sutra, même dans Al-Haram, même à Mecca ou à Medina. Ensuite de ça, le Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبو سعيد أما المأموم فسترته سترة الإمام. Donc le cheikh dit que la sutra est une sunna. De prendre une sutra, il dit c'est une sunna pour le munfarid, pour celui qui prie tout seul, et pour l'imam. Il dit, et ça c'est prouvé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, lorsque l'un d'entre vous prie, alors qu'il prie vers sa sutra et qu'il se rapproche de celle-ci, c'est-à-dire qu'il se rapproche de sa sutra, c'est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, le hadith d'Abu Sa'id. Et yani, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que il dit que la personne qui prie derrière l'imam, sa sutra, c'est la sutra de l'imam. Donc par exemple, si on va dire que l'imam il prie devant une sutra, eh bien ta sutra à toi, si tu es derrière l'imam, c'est la sutra de l'imam. Dans le sens que si l'imam a une sutra, donc toi tu n'as pas besoin d'avoir de sutra parce que ta sutra c'est celle de l'imam. Donc si quelqu'un passe devant toi dans la rangée par exemple, alors que tu es en train de prier, tu n'as pas besoin de le bloquer, parce que tu as déjà ta sutra du fait que l'imam a une sutra à lui, d'accord? Toutefois, comme j'ai mentionné, il y a les différences d'opinion là-dessus. Comme le cheikh lui, il dit que c'est sunna dans le sens que c'est pas obligatoire de prendre une sutra. Toutefois, il y a d'autres shuyukh qui ont expliqué autrement. Et le cheikh dit laysa ittikhaz sutrati wa biwajib li hadith Ibn Abbas annahu sallallahu alayhi wa sallam salla fi fada'in laysa bayna yadayhi shay rawah Ahmad wa Abu Daoud. Le cheikh dit que de prendre une sutra c'est pas obligatoire à cause du hadith de Ibn Abbas qu'il a prié dans un espace vide et qu'il n'y avait rien devant lui, et c'est rapporté selon Ahmad et Abu Daoud. Toutefois, yani, j'ai vérifié dans le hadith dans Abu Daoud, il est mentionné dans Da'if Abu Daoud par Cheikh Al-Albani, le hadith numéro 113, et le hadith d'An-Nasa'i, c'est le hadith 752 qui est mentionné dans les références ici, mais toutefois quand j'ai vérifié le hadith dans Sunan An-Nasa'i, il semble que le hadith qui est 752, il ne mentionne pas de preuves pour ce sujet-là. Et il y a l'autre hadith qui vient après tout de suite, c'est 753. Et le Cheikh Al-Bani, il dit qu'il est munkar. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas authentique. En ce qui concerne l'autre version de l'imam Ahmed, yani, je n'ai pas, j'ai pas pu la trouver. Toutefois, yani, faudrait faire encore plus de recherches pour vérifier encore à ce sujet-là. Toutefois, il semblerait que yani, le hadith soit da'if. Wallahu a'lam. Ensuite, le Cheikh dit وينبغي أن تكون السترة قائمة في مؤخرة قائمة كمؤخرة الرحل أي قدر ذراع سواء كانت دقيقة أو عريضة لحكمة والحكمة في اتخاذها أن تمنع المار بين يديه ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. Il dit que le cheikh il dit donc il faut que la sutra soit quelque chose qui se tient, comme par exemple le dos d'une monture, yani, hein, le dos d'une monture, ou bien quelque chose, yani, qui est assez haut, de la hauteur d'environ une selle qu'on met sur une monture, comme un chameau, qu'est-ce qu'on met sur le chameau, ça se tient tout seul quand tu le places devant toi. Il faut que ce soit à environ la hauteur d'un bras. Le cheikh mentionne la longueur d'un avant-bras. Et il dit que ce n'est pas important que ce soit mince ou large. L'important c'est que ça se tienne et que ce soit assez haut. Et que le cheikh il dit, et la sagesse dans le fait de prendre une sutra, c'est pour empêcher les gens de passer devant. Et également pour empêcher de se faire déconcentrer par qu'est-ce qui passe derrière cette sutra. Ensuite, le cheikh dit, وإن كان في الصحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا فإن لم يكن غرز العصا في الأرض فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض وضعه بين يديه عرضا. Non, donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que si tu es dans le désert par exemple, que tu pries, il faut que tu pries vers quelque chose qui est, disons, qui est là devant, comme par exemple une pierre, ou devant un arbre, ou un bâton, une lance, que tu peux piquer dans le sol, hein? Donc tu pries devant ça, et si tu n'es pas capable de prier devant ça, eh bien dans ce cas-là, tu le places, disons, couché sur le sol. Et là-dessus, yani, encore là, ça, c'est, si tu le places sur le sol de cette façon, ça va pas être de la hauteur d'un bras. Donc, il faut absolument que ce soit assez haut pour que ça serve comme une sutra. Certaines personnes, parce qu'il y a un hadith qui mentionne de même faire une ligne ou bien mettre quelque chose par terre. Donc, ça suffit pas. Yani, parce qu'il y a le hadith qui mentionne ça, il est pas sahih, il est dans Bulugh al-Maram. Toutefois, il faut que ce soit comme le professeur Hassan a dit, il faut que ce soit la hauteur d'un avant-bras. Ensuite, le cheikh dit, وَإِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَةِ صَلَّى إِلَى شَيْءٍ سَعْفٍ. Ça, on l'a lu. وَإِذَا الْتَبَسَتِ الْقِرَاءَ عَلَى الْإِمَامِ فَالْمَأْمُونَ فَلِلْمَأْمُونَ أَنْ يُسْمِعَهُ الْقِرَاءَةَ الصَّحِيحَ. Si par exemple l'imam, il est comme confus dans sa récitation dans le Coran, et que celui qui est derrière, il connaît le verset comme il faut, il a le droit de faire entendre à l'imam la correction, c'est-à-dire il peut le corriger l'imam durant la prière. Et il dit وَيُبَاحُ لِلْمُصَلِّ لُبْسُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَحَمْلُ شَيْءٍ وَوَضْعُهُ وَفَتْحُ الْبَابِ وله قتل حية أو عقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه ولكن لا ينبغي أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que c'est permis dans la prière, de mettre un vêtement, ou bien, disons, de porter quelque chose, ou de le mettre, ou de le déposer. Par exemple, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il priait et qu'il portait, un enfant. Et quand il se prosternait, il le déposait sur le sol pour se prosterner. Donc, ça prouve que c'est permis de porter quelque chose durant la salat et de le déposer. De même, il dit que c'est permis également d'ouvrir une porte ou de tuer un serpent ou un scorpion durant la prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de tuer les serpents et les scorpions durant la prière. Et c'est rapporté selon Abu Daoud et At-Tirmidhi, et At-Tirmidhi l'a déclaré sahih, et c'est selon Abu Huraira, et il est également dans At-Tirmidhi et An-Nasa'i et Ibn Majah et Abu Daoud. Donc c'est ça. Et ensuite il dit wala yanbaghi lahu an yukthira min al-af'al al-mubaha fi as-salah illa li darura. Il dit il ne doit pas faire constamment beaucoup de mouvements, même si c'est des mouvements qui sont permis, il ne doit pas en faire trop durant la prière, excepté pour une nécessité. Par exemple, s'il en fait trop sans nécessité et que ce sont des mouvements qui se suivent un après l'autre, alors ça pourrait même annuler la prière. Il dit ça annule la prière parce que ça vient en contradiction avec la salat et ça te distrait de la salat. Ensuite il dit wa idha arada lil musalli amrun kastidhan alayhi aw sahwi imami aw aw khafa ala insan al wuqu' fi halaka falahu at tanbih ala dhalik لأن بأن يسبح الرجل وتصفيق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء متفق عليه. Le cheikh il dit que lorsqu'il y a quelque chose, par exemple, qui arrive à la personne qui prie, ou bien par exemple quelqu'un lui demande quelque chose, il demande une permission de quelque chose, ou bien l'imam s'est trompé dans la prière, ou bien il a peur que quelqu'un tombe ou se fasse mal ou lui arrive un malheur ou quelque chose comme ça, alors il peut l'avertir en faisant par exemple si c'est un homme il fait subhanallah, et si c'est une femme, eh ben, elle frappe des mains. Elle frappe des mains pour avertir. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque quelque chose arrive, et donc les femmes doivent faire frapper des mains et les hommes doivent faire le tasbih. Et ça, c'est muttafaq alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Sahl ibn Sa'd. Ok. Ensuite il dit le cheikh wala yukrahu as-salamu ala al-musalli idha kana ya'rifu kayfa yarud wa lil-musalli hina idhin raddu as-salam fi hal as-salati bil-isharati la bil-lafz fala yaqulu wa alaykum as-salam fa in raddahu bil-lafz batalat salatuhu li'annahu khitab adami وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. Donc le cheikh il dit que ولا يكره السلام. Il n'est pas détestable de donner le salam à la personne qui prie si la personne sait comment répondre. Par exemple, la personne qui prie lorsqu'il prie, par exemple, il peut répondre le salam durant sa salat, par un signe, pas avec la parole. C'est-à-dire, il répond au salam par un mouvement, soit avec sa main ou quelque chose comme ça, mais il ne répond pas au salam en disant « wa alaykum salam », parce que s'il dit « wa alaykum salam », sa prière est batila, c'est-à-dire sa prière est nulle, parce que ça fait partie des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière. Donc, il doit donc retarder, il dit, il peut retarder la réponse du salam jusqu'à après la prière, il n'y a pas de problème. Toutefois, durant la prière, il ne doit pas parler et répondre au salam. Il peut, comme on a dit, faire un signe avec sa main, mais il ne répond pas avec la parole. Ensuite, le cheikh il dit ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ركعة في ركعة من قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها ولما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية آل عمران الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك بل يفعل أحيانا الشيخ الزي il est permis pour la personne qui prie de lire plusieurs vers, plusieurs sourates dans une même raka parce que ça c'est mentionné dans As-Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait dans la même raka lorsqu'il était debout dans la prière il récitait avec Al-Baqara et Al-Nisa et Al-Imran dans la même raka d'accord ça c'est rapporté selon Hudhayfa dans un hadith rapporté par l'imam Muslim il dit ensuite وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَ il dit c'est permis pour lui de répéter la même surah dans deux raka donc tu peux par exemple quand tu récites dans la salat tu récites par exemple dans une raka tu récites une surah puis dans une autre raka tout à fait tu récites encore la même surah il dit également que c'est permis de diviser une surah pour deux raka c'est à dire tu commences à réciter une partie de la surah dans la première raka puis dans l'autre raka tu récites l'autre partie de la surah et il dit que également c'est permis de réciter de la fin d'une surah ou bien du milieu d'une surah c'est pas obligatoire de lire à partir du début absolument et le cheikh il dit c'est rapporté selon Ahmed et Muslim selon Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lisait parfois dans la première raka'a de Fajr il lisait Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna de surat al-Baqarah le verset 136 et dans la deuxième raka'a il récitait le verset 64 de Ali Imran Qul ya ahl al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum il dit que la preuve de ça c'est le verset dans al-Qur'an qui dit فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ C'est le verset numéro 2 de, numéro 20 de Surat al-Muzammil qui dit et récitez du Coran ce que vous êtes capable, ce qui est facile pour vous. Mais, voilà, il dit c'est pas, toutefois, c'est pas bon de répéter ça trop souvent. Il faut le faire seulement quelques fois ou parfois de temps en temps. Yani. Ensuite, le Cheikh il dit وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَعِيذَ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب أو وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره. Le cheikh dit que également la personne qui prie elle a le droit de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il récite un verset qui parle du châtiment, donc il doit de demander le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre ce châtiment-là, et il a le droit également de demander, par exemple durant sa récitation, si c'est un verset qui parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit de demander à Allah pour qu'il lui donne ar-rahma, et il a le droit également de faire d'envoyer la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il récite son nom dans le Coran. Ensuite il dit وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْأُمُورَ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لَكَ أو يباح لك فعله فعلها حال الصلاة وعرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها حتى تكون على بصيرة من دينك ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح. Il dit donc, il dit ça, ça fait partie de certaines choses qu'on a mentionnées, qui sont recommandées ou bien qui sont permises de faire durant la salat, et on les a présentées aujourd'hui pour toi pour dans le but que tu puisses y profiter de cette question, de ce sujet. Et puis également, il dit que tu appliques ta religion avec connaissance et avec compréhension, et également on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne à nous et à vous plus de sciences bénéfiques et de bonnes œuvres. Et il dit également وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ لَا يَجُزُ أَنْ يُفْعَلْ أَوْ يُقَالْ فِيهَا إِلَّا فِي حُدُودِ الشَّرْعِ الوالد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها أو يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. Donc il dit que il faut que tu saches que la prière est une grande forme d'adoration, et il n'est pas permis de la faire ou de dire quelque chose dans la prière excepté dans les limites de la charia, qu'est-ce qui est rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on te conseille de mettre de l'importance, de donner une grande importance à connaître qu'est-ce qui complète ou qu'est-ce qui diminue la prière, et donc pour que tu puisses l'accomplir de la manière la plus parfaite possible. D'accord. Donc ça vient terminer la question. Et puis le cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, il a mentionné dans son livre dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam plusieurs hadiths au sujet de l'obligation de prendre une sutra. Et donc je sais pas si ce serait bien de mentionner certains de ces hadiths. Kana في فضاء ليس فيه شيء يستتر. نعم. Donc il mentionne certains hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il priait devant quelque chose pour empêcher que quelqu'un passe devant lui, ou bien qu'il a commandé à ceux qui priaient de prendre une sutra également. Donc je pense que c'est clair. Et puis ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent retourner eux-mêmes à ce livre pour vérifier. Il y a un chapitre qui parle de la sutra et de son obligation. Donc barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on se revoit inshallah, ou bien on se réunit encore une fois la semaine prochaine biiznillah, pour compléter encore une fois un autre chapitre de notre dars. Et la semaine prochaine, samedi prochain inshallah, c'est le chapitre de ahkam sujud as-sahw, c'est-à-dire lorsqu'on a fait une erreur dans la salat, comment on fait pour la corriger. D'accord. Donc on va revenir à ça la semaine prochaine, et puis on va continuer donc inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.